mec, il y a le bus. Ne suis Mohamed. L'autre les portes, nous sort. Ah, il était tout despi, je te jure, il était là avec la meuf, il était en train de lui parler bien tranquillement, t'as vu. Et bon, ça va, il parlait, après il a retiré sa doudoune, tout, et bon, il parle et tout, à la fin, bon, il lui demande son numéro. Bon, la meuf, elle lui a donné le numéro, bien et tout, tranquille, et moi, bon, j'étais un peu vénère, mais bon, t'as vu, il a fait son truc. Après, le lendemain, j'appelle avec lui, en fait, la meuf, elle lui a passé le numéro du gymnasium, parce qu'il est trop gros, mec. Vas-y putain, il fait quoi Pignata là? Vas-y klaxonne, Speedy klaxonne, klaxonne. Putain, on va arriver trop tard, on va avoir que les retours de viol et des fausses meufs encore là. Putain, c'est pour nous ça. Vas-y Cody, arrête de stresser toi aussi. Pignata, putain, mène-toi, merde. Vas-y, donne-le jeu un peu là. Ne stresse pas. Ne stresse pas, mais toi, vas-y, arrête Speedy. T'es toujours foncé 24 sur 24. Non, depuis que t'es sorti de la zone, tu sais même pas reconnaître un drag queen d'un ton. Putain. Aussi. De toute façon, pour la peine, t'as le niaque sans dernier. Arrête, Cody, putain. Pas relou comme ça, non. Tiens, vas-y, plaque-toi. Putain, t'es chiant, Cody. Bah ouais, tu sais très bien que je fume pas. Putain, avec vos conneries d'hallucinogènes, vous êtes même plus maître de vos esprits. Après, tu t'étonnes que le système contrôle vos destinées comme des pantins. Fais chier avec tes trucs à la con d'Égypte, là. C'est quand t'as Diop et tout le bordel, là. Putain, négro, tu t'éclates jamais, toi. Putain, t'es mystique, toi. Laisse tomber. À quoi bon t'évader artificiellement? Ah vas-y, passe. Quand la fumée se dissipe, la réalité te rattrape toujours. Tu le sais, ça? Qu'est-ce qu'il fout, mec? Vas-y, passe. Le système est implacable. Putain. Quand tu dors, lui, il dort jamais. Mais qu'est-ce que tu foutais, là, négro? C'est bon, les gars, on peut y aller, là. Excusez-moi, franchement. Je faisais réviser les maths à mon frère, t'as vu, demain, là, un contrôle. Putain, mais lâche-le, ton frère. Si c'est compté, vas-y, apprends-lui à compter l'argent, alors. Vas-y, laisse mon frère tranquille, t'as vu, c'est pas toi qui t'en occupes, c'est moi. C'est moi le seul responsable, c'est moi qui finance ses études. Et j'aimerais pas qu'il passe par le même chemin que nous. Vas-y, Speedy, démarre. Plus, si demain, tu es un avocat, tu seras bien content de le trouver à la barre pour me défendre. Ouais, tranquille, quoi. Pousse-toi un petit peu, s'il te plaît. Mais tu fais la gueule ou quoi? Laisse-le, il est vénère. Avant que t'arrives, il nous prenait la tête avec le système, la condition de l'eau privée et toutes ces conneries là. Oh putain. Tu sais comment il est quand personne n'écoute, il se borgne. Ouais, c'est ça. Rigolez. De toute façon, il y a qu'une seule réalité. Et j'espère qu'on vous comprendra. Mais Cody, guette-le là-bas. Là. C'est pas lui qui donne l'argent là. Hein? C'est pas lui qui donne l'argent là. Ouais, vas-y, c'est lui. Vas-y, Speedy, arrête-toi. Hé, Renoir, qu'est-ce qu'il y a? Renoir, tu te rappelles de moi? Vas-y, on voit l'argent là. Quel genre là? Mon argent là. Quel argent? Va te faire. Tu vas me garder comme ça? Rien du tout. Nada, Véro. Renoir, je fais les tests. Toi, maintenant, tu me gardes. Tu l'es. Viens ici. Renoir, attrape-le. Tu l'es, me touche pas.